examine toutes les vases que son corps me donne à lire. Elle m'envoie des nudes, elle a envie que je me retrouve avec elle toute la nuit. On dit d'elle qu'elle est fragile, qu'elle est agile, son corps est magique, elle est difficile. On dit d'elle qu'elle est agile, qu'elle est fragile, son corps est magique, elle est difficile. Et quand elle a retiré son manteau, je me suis dit je vais lui casser le dos. Quand elle s'est assise sur le lavabo, je me suis dit je vais lui casser le dos. Et quand elle a retiré son manteau, je me suis dit je vais lui casser le dos. Quand elle s'est assise sur le lavabo, je me suis dit je vais lui casser le dos. Elle s'est mise à crier, maman. Parle pas beaucoup, celui qui n'échoue jamais, celui qui te fera rêver. Montre-moi tes formes et j'espère que t'es en forme. On fera du bruit dans le formule. Hey, je suis choqué de ta cambre, le cambre, toi contre le mur, ça va glisser. Hey, et quand elle a retiré son manteau, je me suis dit, je vais lui casser le dos. Quand elle s'est assise sur le lavabo, je me suis dit, je vais lui casser le dos. Et quand elle a retiré son manteau, je me suis dit je vais lui casser le dos. Quand elle s'est assise sur le lavabo.